الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله تبارك وتعالى قال جل وعلا في كتاب الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فمن الابتلاء العظيم ذهاب الأحباب والأولاد وعند الابتلاء الناس أقسام منهم من يجزع بقدر الله تبارك وتعالى ومنهم الصابرين واليوم تسمعون قصصا من أخبار من سبقنا من الأنبياء والمرسلين وأولياء الله سبحانه وتعالى المتقين لنعتبر ونستفيد من أخلاقهم وعظم صبرهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي في ابنه وتعلمون أنه لم يعش له من ذكوره أحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم أي أهله كانت ترضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله أي حتى أنت تبكي من هذا يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك إبراهيم لمحزونون رواه البخاري ومسلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى أكرم الناس إلى الله عز وجل فيا عبد الله لست الأول وأنت يا أمة الله لست الأولى ممن ابتلي بهذا البلاء العظيم لكن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقابل هذا الابتلاء بالصبر والاحتساب وبالكلم الطيب وفيه أن البكاء بدون جزع لا بأس به وهي رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن قصة أخرى مع نبي من أنبياء الله يعقوب عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون إلى أن قال قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هذا قول يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وكان يوسف أحب أولاده إليه وأفضلهم فمن يعلم شدة حزن يعقوب حينئذ لكن قابل هذا الابتلاء بالثبات على دين الله وبإحسان الظن برب العالمين، فقال: فصبر جميل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أي صبر بلا شكوى. هذا أدب الأنبياء والمرسلين عند فقد أولادهم، الصبر والاعتماد على الله والتوكل على المولى جل وعلا. وعلى هذا صار السلف الصالح. هذه هي أم سليم رضي الله عنه، يذكر لنا ابنها قصتها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، أي كان مريضا، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، أي مات في أثناء خروجه، مات الصبي. قالت أم سليم لأهل البيت: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان. وصدقت رضي الله عنها. فقربت إليه العشاء فتعشى فشرب وأكل، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، أي تجملت له رضي الله عنها، فوقع بها أي جامعها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قال أبو طلحة رضي الله عنه: لا. قالت أم سليم رضي الله عنها: فاحتسب ابنك. قال: فغضب أبو طلحة وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص له القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما، أي في هذه الليلة. فولدت غلاما، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بتبره فسماه عبد الله. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري قال سفيان بن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، أي من ذرية عبد الله. فسمعتم يا عباد الله صبر هذه المرأة البرة الصابرة أم سليم رضي الله عنها. تصبرت ثم صبرت زوجها أبا طلحة عند فقد ولدهما، ومع حزنها تصبرت وعاملت زوجها بأحسن المعاملات فرضي الله عنهما. وهكذا المرأة الصالحة إذا استقامت على دين الله يثبتها الله سبحانه وتعالى عند الابتلاء. وهكذا كان السلف. هذا عمر ابن عبد العزيز الخليفة رحمه الله تعالى. يقول سفيان الثوري: قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك وهو مريض: كيف تجدك؟ قال: في الموت. قال له: أن أكون في ميزانك. يقول عمر لابنه عبد الملك: أن تموت قبلي فأحتسبك عند الله سبحانه وتعالى أحب إلي من أن أموت قبلك فتحتسبني أنت عند الله تبارك وتعالى. فقال له: يا أبتي، لأن يكون ما تحب أحب إلي مما أحب. فقيل لهما: أو فلما مات ابنه عبد الملك، قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لقد كنت في الدنيا كما قال جل ثناؤه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولقد كنت أفضل زينة أو زينتها، وإني لأرجو أن تكون اليوم من الباقيات الصالحات من الباقيات الصالحات إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فلما دفنه قام على قبري فقال ما زلت مسرورا بك منذ بشرت بك وما كنت قد أسر إلي منك اليوم. ثم قال اللهم اغفر لعبد الملك ابن عمر ولمن استغفر له. هؤلاء أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فصبرهم الله تبارك وتعالى عند الابتلاء. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى nous enseigne dans son livre qu'il nous éprouve par toutes sortes d'épreuves. Vous serez certes éprouvés par un peu de peur, de faim, de diminution dans vos biens, dans les âmes, c'est-à-dire par la mort des proches et de ceux que vous aimez, ainsi que des cultures. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, ce qui lorsqu'ils sont touchés par un malheur disent c'est Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. À cela on promet ou bien cela auront des prières émanant de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera leurs éloges auprès des anges les plus rapprochés. Ils auront également une miséricorde et voici les bien guidés. Ces trois grandes récompenses sont accordés à ceux qui lors de l'épreuve se montrent endurants et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et patiente. Et parmi les grandes épreuves, comme je l'ai cité la semaine passée, la perte des enfants, le fait d'être éprouvé par la mort d'un de nos enfants. Et lors de l'épreuve, les gens se divisent en plusieurs catégories. Il y a ceux qui se révoltent contre le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux-là ont raté leur épreuve. Et il y a ceux qui se montrent endurants. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis d'énormes choses. Et ici, je vais vous citer quelques histoires de nos pieux prédécesseurs afin qu'on en tire les meilleures leçons. À commencer par le meilleur d'entre eux, le meilleur des pieux prédécesseurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éprouvé par la perte de plusieurs de ses enfants. Et comme vous le savez, il n'a vu grandir aucun de ses fils. Et parmi ses filles, certaines sont décédées de son vivant. Certaines sont décédées de son vivant, au minimum deux d'entre elles. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Abi Saïf. Abi Saïf est l'époux de celle qui allaitait son fils Ibrahim. Et son fils était tombé gravement malade. Son fils était tombé gravement malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses bras. Il l'a embrassé et l'a senti. Puis, il est revenu à un autre moment. Et il a vu que son fils était en train de mourir. Et avait ses derniers souffles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris contre lui. Et ses larmes se sont mises à couler. Alors Abdurrahman ibn Auf lui a dit, même toi, ô messager d'Allah, même toi tu pleures lorsqu'il y a cette épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh le fils de Aouf, sache que c'est une miséricorde qu'Allah a mis dans le cœur du croyant. Le fait de pleurer par miséricorde pour l'enfant qui décède, c'est une miséricorde qu'Allah a mis dans le cœur du croyant. Puis il a continué de pleurer et a dit, certes les larmes coulent, le cœur s'attriste. Certes les larmes coulent, le cœur s'attriste. Mais on ne dit que ce qui plaît à notre Seigneur. Et certes, nous nous attristons de nous séparer de toi, Ibrahim. C'est ainsi que s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sache, chers frères et chères sœurs, que vous n'êtes pas les premiers à avoir été éprouvés par la perte d'un enfant. La meilleure créature auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, celle qui a la meilleure place auprès du Seigneur des mondes a été éprouvé par cela à plusieurs reprises. Mais ici, il nous enseigne comment nous comporter lors de l'épreuve, avec endurance, avec patience, et on ne doit dire que du bien, et que ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. On tire également de ce hadith qu'il n'y a pas de mal à pleurer lors de la difficulté ou d'une grande tristesse, et que cela ne vient pas à l'encontre de l'endurance. Un autre parmi les prophètes qui ont été éprouvés est Ya'qub alayhi salam, comme on peut le lire dans sourate Yusuf. Les enfants de Ya'qub lui ont demandé la permission de sortir jouer avec Yusuf alayhi salam. Et Ya'qub préservait énormément Yusuf et ne le laissait pas sortir. Donc, ils ont insisté auprès de leur père. Ils ont insisté auprès de Ya'qub alayhi salam qui céda et leur donna la permission de sortir avec Yusuf pour s'amuser. À leur retour, ils ont dit à leur père que Yusuf s'est fait dévorer par un loup et lui ont montré des habits avec un faux sang pour lui faire croire que Yusuf alayhi salam avait été capturé par un loup et dévoré par un loup. Comment s'est comporté Ya'qub alayhi salam devant cette grande épreuve? Imaginez un homme qui perd un enfant, celui qu'il aime le plus parmi l'ensemble de ses enfants, son enfant préféré. Ya'qub alayhi salam a dit fasabrun jamil. J'endurerai de la meilleure parole. Ibn Taymiyyah nous explique ce terme en disant c'est une endurance sans aucune plainte. Certaines personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, disent beaucoup de choses et beaucoup de mauvaises paroles, se plaignent et se révoltent contre le destin. Puis à la fin, elles disent je patiente. Celui qui se, ou celle qui se comporte de la sorte n'aura pas été endurante. La vraie endurance est d'endurer sans se plaindre auprès d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que s'est comporté Ya'qub alayhi salam, fasabirun jamil. Il s'est montré endurant et a une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle fut sa rétribution? Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu ses enfants. Par la suite, il a perdu un deuxième, le deuxième de ses enfants, Benyamin. Et au final, Allah azza wa jalla lui a rendu ses deux enfants. Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu ses deux enfants. Et celui qui ne revoit pas ses enfants fi dunya, qu'il espère être réuni avec eux fil akhira, qu'il espère être réuni avec eux sur la place du jugement dernier, à la porte du paradis, puis à l'intérieur, comme Allah subhanahu wa ta'ala promet aux gens pieux dans le Coran. Voici le comportement des prophètes et des messagers. Et c'est ainsi qu'ont suivi leurs traces nos pieux prédécesseurs. À l'image de Umm Sulaym radiallahu anha, cette femme pieuse, l'épouse de Abu Talha radiallahu anhu, la mère de Anas ibn Malik. Abu Talha avait un enfant qu'il aimait beaucoup, mais il était malade. Et un jour, alors qu'il s'absenta, son enfant est décédé durant son absence. Umm Sulaym a dit aux gens de la maison que personne n'informe Abu Talha avant que je ne le fasse moi-même. Puis lorsqu'il est entré, ou plutôt elle a mis l'enfant dans un endroit à l'abri du regard de son mari. Puis lorsque Abu Talha radiallahu anhu est rentré, il lui a demandé immédiatement « Comment va mon fils ?» Elle lui a dit « Il est plus reposé que jamais. » Elle lui a dit « Il se repose plus que jamais. Il est tranquille comme jamais il ne l'a été. » Elle a dit vrai radiallahu anha. Elle a dit vrai radiallahu anha. Puis elle lui a servi le dîner. Il a mangé et il a bu. Par la suite, elle s'est embellie comme jamais elle ne l'avait fait. Puis Abu Talha radiallahu anhu a eu des rapports avec son épouse. Par la suite, lorsqu'il eut trouvé le repos, la tranquillité, il était rassasié de par la nourriture et par la boisson. Elle lui a dit, oh Abu Talha, imagine que des gens confient un dépôt à un homme et ensuite ils viennent le réclamer. Est-ce qu'ils devraient leur rendre ce dépôt? Abu Talha a dit certes, il devrait rendre ce dépôt. Puis Umm Sulaym lui a dit, alors espère la récompense auprès d'Allah car il a repris ton enfant. Alors espère la récompense auprès d'Allah car il a repris ton enfant. Abu Talha radiallahu anhu s'est mis en colère et lui a dit, tu m'as laissé me souiller avec toi, puis tu me parles de mon fils. Il s'est levé, s'est éloigné d'elle. Au matin, il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté son histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as commercé avec ton épouse cette nuit? Il a répondu oui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a pour eux en demandant à Allah azza wa jal qu'il bénisse cette union, qu'il bénisse ce qu'ils ont fait cette nuit. Que s'est-il passé, chers frères? Umm Sulaym tomba enceinte de ce rapport. Elle a eu un enfant qu'ils ont appelé Abdullah. Puis ils l'ont amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait certaines dates, et il lui a passé la salive après avoir mâché cette date au palais et a frotté son doigt avec le palais de cet enfant, au palais de cet enfant. Sofiane ibn Uyayna nous raconte et nous dit, un homme parmi les Ansar a dit qu'Allah Azza wa Jal a accordé 9 enfants à cet enfant Abdullah. Il lui a accordé 9 enfants qui ont tous été savants du Coran. Il lui a accordé 9 enfants et chacun de ces 9 enfants sont devenus des lecteurs et des savants du Coran. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses bienfaits à ceux qui se montrent endurants. Voici comment cette femme a accueilli le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, s'est montrée patiente et endurante au point d'avoir raffermi son propre mari radiallahu anhuma. Et c'est ainsi que se comportaient les pieux prédécesseurs à l'image de Omar ibn Abdel Aziz. Lorsque son fils Abdul Malik est tombé gravement malade, il l'a visité et lui a dit « Comment te sens-tu, ô mon fils ?» Et il lui a dit « Je me vois proche de la mort. Je me vois proche de la mort. Je me compte déjà parmi les morts. » Alors son père lui a dit « Que tu meurs avant moi et que je t'espère dans mes récompenses auprès d'Allah, mes préférables ou mes plus aimés, que le fait que je meure avant toi et que toi tu m'espères dans tes récompenses auprès d'Allah. » Puis l'enfant a dit « Ce que tu aimes, ô mon père, mais préférable à ce que j'aime moi-même. » Par la suite, son enfant est décédé. Lorsque son enfant est décédé, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullahu ta'ala, s'est montré endurant et patient. Il a remercié Allah Azza wa Jal et s'est montré endurant. Puis il a dit, oh mon fils, tu es certes comme Allah l'a décrit dans le Coran, l'argent et les enfants sont la beauté de ce bas monde. Et après ton décès, j'espère que maintenant tu feras partie des mes récompenses les plus durables. Il s'est montré endurant. Et lorsqu'il a enterré son fils, il a dit, Wallahi, cet enfant je l'ai aimé depuis le jour où j'ai su qu'il allait venir au monde. Depuis le jour où on m'a annoncé la bonne nouvelle de cet enfant, je l'ai aimé. Il n'y a pas un jour où je l'aime plus que celui-ci. Que le jour où il est décédé. Il n'y a pas un jour où je l'aime plus que celui-ci. Puis, il a dit, oh Allah, pardonne à mon fils Abdul Malik et à tous ceux qui font dua pour lui. Et à tous ceux qui font dua pour lui. Donc les pieux prédécesseurs savaient qu'en endurant cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait promis le paradis sur la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que se comportaient les pieux prédécesseurs. À l'image de Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, il a eu une maladie de la jambe. Le calife, le fils de Abdel Malik ibn Marwan, l'avait convoqué afin qu'il le visite à Dimashq. En chemin, il a eu la gangrène. Arrivé à Dimashq, les médecins ont dit qu'il fallait lui couper la jambe. Ils lui ont coupé la jambe et il a dit « Alhamdulillah, inna lillahi wa inna irraji'un ». Pendant ce temps-là, son fils était parti jouer avec les chevaux du gouverneur. Et un cheval lui a mis un coup de sabot, l'enfant est décédé. L'enfant est décédé, donc il a perdu sa jambe. Puis on lui a annoncé la nouvelle, la triste nouvelle, que son enfant est décédé. Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a répondu « Allahumma lakal hamd, inna lillahi wa inna irraji'un ». Oh Allah, à toi revient l'ensemble des louanges. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. Oh Allah, joins-moi au paradis avec ma jambe et avec mon fils. Oh Allah, joins-moi au paradis, ma jambe et mon fils. Permets-moi de retrouver au paradis ma jambe et mon fils. Et les histoires sont plus nombreuses que cela. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصبرنا عند البلاء وأن يدفع عنا كل سوء ومكروه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة